Glory to God. Glory to God. Glory to God. Gloire à Dieu. You guys are doing a great job. Vous les gars, vous tentez de faire de bon boulot. Father, thanks a million for this wonderful time. Père, merci million de fois pour ce temps merveilleux. Amen. Isaiah chapter 60. Ésaïe 60. Is a prophecy for you. C'est une prophétie pour toi. And it ends in verse 22. Et ça termine avec verset 22. And verse 22 says, et verset 22 dit, a little one shall become a thousand. Le plus petit deviendra un millier. Isaiah 60 verse 1. Ésaïe 60 verset 1. Arise and shine. Lève-toi, resplendis. For thy light is come. Car ta lumière est venue. And the glory of the Lord is risen upon thee. Et la gloire de l'Éternel s'est élevée sur toi. Amen. Amen. Arise. Lève-toi. Shine. Resplendis. So now God is saying to Mission Internationale Jésus qui guérit, arise. Start shining. Yes. Start doing what? Shining. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à la mission internationale Jésus qui guérit que lève-toi et resplendis. Lève-toi et ça veut dire que nous devons resplendir. Ça veut dire que nous devons resplendir. And the glory of the Lord is risen upon thee. Et la gloire de l'Éternel s'est élevée sur toi. God's glory is now on you. La gloire de Dieu est maintenant sur vous. God's glory is now on you. La gloire de Dieu est maintenant sur vous. When I went to Suhum in 1988, quand je suis allé à Suhum en 1988 for a community health rotation and medical school. C'était une rotation pour les étudiants de l'école de médecine. One night, et une nuit, I was listening to Kenneth Hagin preaching. J'écoutais Kenneth Hagin en train de prêcher. But I fell asleep. Et je me suis endormi. And I was praying also. Et je priais en I même wasn't temps. Listening actively. Je n'écoutais pas activement. It is the noise that I have in my room all the time. C'était le bruit seulement que j'avais dans la chambre. It's him preaching. C'était lui qui prêchait. And his preaching has a lot of stories and a lot of so many things. You don't know what he's even talking about, but he's talking. Sa prédication est remplie des histoires. Tu ne sais même pas ce de quoi il est en train de dire. Do you not notice that my preaching has a lot of stories? Sometimes you don't know what I'm talking about. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que aussi ma prédication a beaucoup d'histoires? Yeah. Recently, Bishop Eddie was telling me that he listened to Kenneth Hagin recently. And he was listening to me and he said that the similarity is so amazing. Récemment, l'évêque Eddie disait qu'il écoutait Kenneth Hagin et il a constaté que les similarités entre les deux, les semblances entre les deux, c'est étonnant. Because right now, if you come and start listening to what I'm saying now, you not know that it's connected to Isaiah chapter 60. Parce que même maintenant, ce que je suis en train de raconter, tu ne seras pas connecté à Ésaïe 60. Because I'm telling a story about something else. Parce que je suis en train de raconter une histoire. And the story has led to another story. Et l'histoire maintenant nous a amené à une autre histoire. Yeah. It's a way of preaching. C'est une manière de prêcher. Yeah. Yes, it's a way of preaching. So, alors, as I was kneeling down on my bed praying, je me suis mis à genoux et je priais à côté de mon lit. I fell asleep. Je me suis endormi. And in the middle of the night, et au milieu de la nuit, I woke up still on my knees. Je me suis réveillé toujours à genoux. I was kneeling about sort of sleeping on the bed but kneeling down. Parce que je me suis mis à genoux et je priais comme ça et puis je me suis endormi. And the tape recorder was over there in the corner. Et le baladeur était au coin là-bas. And it was an auto reverse tape recorder. That means that when it ends, it starts again. When it ends, it starts again. And it belonged to my wife, who was my beloved. Was she my beloved then? Yeah, I think so. So I borrowed hers from her permanently because it was very good with that auto reverse thing. And I don't like to get up and go and turn on to restart. I don't like those type of things. It has to be on all the time. C'était un baladeur auto reverse. Donc quand ça joue, ça termine, ça recommence. Et j'avais loué ça, emprunté ça de mon épouse, qui permanemment de mon épouse. Mais à cette époque, elle était ma bien-aimée. Et je ne voulais pas me lever, aller éteindre encore, recommencer. Donc c'était auto-reverse. Ça joue, ça recommence, ça arrête. Ça joue, ça recommence. Comme ça. Is his French working? Do you understand it when he's in? Okay, now. Okay, maintenant. Suddenly at about 2 a.m. Soudainement à 2 heures du matin. I woke up. Je me suis réveillé. And continued. Et j'ai continué d'écouter. Kenneth Hagin was preaching. Kenneth Hagin prêchait. And he was telling one of the stories. Il était en train de toujours raconter une de ses histoires. I've heard that story many times. Et j'avais écouté et entendu cette histoire plusieurs fois. I was interested because sometimes when the story comes and a new little part of the story you've not heard, and then it adds something, help you to understand the picture. Et j'étais intéressé dans la même histoire parce que des fois quand tu écoutes l'histoire, il y a une partie plus intéressante aussi qui revient à toi. Donc j'écoutais. Suddenly, soudainement, something jumped out of the tape. Quelque chose est sorti de and entered my baladeur. Belly. Et c'est rentré dans mon ventre. I felt it going in. Et j'ai senti ça rentrer en moi. You know, it's like eating from the side. C'est comme j'étais en train de manger de mon côté comme ça. You know when your stomach is full, it comes from here, but this was from it was like from the side. Quand le ventre est plein. I felt something coming to me, and then I heard a voice. J'ai entendu une voix. Room, little room. C'était une petite in the salle, of the night, une petite chambre. And the voice said, la voix dit, from today, à partir d'aujourd'hui, you can teach. Tu peux enseigner. From today you can teach. Which was unrelated. He was preaching about demons. Et il prêchait sur les démons. He was preaching about demons. Il prêchait sur les démons. Yes. Oui. It had nothing to do with teaching, ça n'avait rien à voir avec le ministère, l'enseignement. And I had no idea that anything like that was going to happen. Je n'avais aucune idée que ces choses allaient se passer. He was just talking about demons. Il parlait des démons. And this, and there was a woman and this, and il y avait une femme. Stories, des histoires. He only reads the Bible at the beginning of the sermon. After that, stories. Il lit seulement la Bible au commencement de la prédication et puis les histoires suivent. Hey. Hey. Then another voice came in the room. Une autre voix est venue this one was different. The first one was like from outside. It was like in the room. Le premier était the second time it was like within me. Le deuxième, c'était une voix de dedans. I will prove it to you. Je veux te montrer, je veux te prouver ça. Yeah. He has been proving it to me. Et depuis lors, il prouve ça pour moi. Is it not amazing? So as I rose up from my feet, that donc quand je me suis levé, the anointing, l'onction, the glory of the Lord, la gloire de l'Éternel, was now on me. Était maintenant sur moi. The glory of the Lord is not something you can see physically with your eyes. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu physiquement avec les it's yeux. Like the wind. C'est comme le vent. You cannot see it. Tu ne peux pas le voir. But you can see the effect of mais it. Tu vois les effets du vent. If you don't mind looking behind that, you see those leaves are moving. Si vous regardez derrière, vous voyez les feuilles. You can see that there is wind, but we can't see the wind. Et ça dit qu'il y a un vent, mais tu ne vois pas le vent. You can see the effect of the wind. Tu vois les effets du vent. That's how the glory is. La gloire est comme ça. That's how the beauty is. La beauté est comme that's ça. How the anointing is. L'onction est comme ça. You cannot see it. Tu ne peux pas le voir. But you can see the effect of it. Tu peux voir les effets de cette chose. About 4, 3 years ago. Il y a 3 ans de cela. I was lying in my house over there. J'étais dans ma maison là-bas. I don't think 3 years. No, I don't think it was so long. But as I was lying down, quand j'étais couché, this campus was being built. Ils étaient en train de construire le campus. It had not occurred to me. Et ça ne m'est pas arrivé. The Holy Spirit whispered to me. Le Saint-Esprit m'a chuchoté. Can you see that the campus that is in Tulsa, Oklahoma, est-ce que tu as vu? Is rising out of the ground here? Le Saint-Esprit m'a chuchoté dans les oreilles. Est-ce que tu ne vois pas que le campus de Tulsa, Oklahoma, est en train de se lever du sol ici à Mampon? Because when the anointing that is on somebody comes on you, you do the same things the person. Parce que, you'll be doing it. Parce que quand l'onction qui est sur quelqu'un vient sur toi, tu ferais les mêmes choses que la personne faisait. Yes. Oui. When Elisha told Elijah, I want a double portion of your spirit. Quand Élisée a dit à Élie, je veux une double portion de ton esprit. He received it. Il l'a reçu. And God proved it to him at the river. Et Dieu l'a montré ça au fleuve. God always shows you that you have it. Dieu te montre toujours que tu l'as. And then, et puis, he started to do the same kinds of miracles with widows, with same type of healing, the same type of this one closing the heaven, it doesn't rain 3.5 years, this one closes it, doesn't rain 7, same type of rain miracle, child miracle, widow's miracle, supply miracle, then extra ones. That's how the anointing is. That's how the glory is. That's why you say to people, seek for the anointing. C'est pourquoi j'ai dit aux the gens, glory. Cherchez l'onction, la gloire. Oui. That's why he said, arise and shine, for thy light is come, and the glory of the Lord has now come. C'est pourquoi la Bible dit, lève-toi et resplendis, car la gloire de Dieu est sur toi. Ça veut dire que la gloire de Dieu est maintenant venue sur toi. Now you see, tu vois maintenant, you, if you are listening to the preaching, quand as tu écoutes I'm preaching, la prédication, Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. And the Spirit entered into me when he spoke to me. Et l'esprit entra en moi quand il parlait à moi. As I am preaching to you now. Alors que je prêche à vous maintenant. And as you are listening. Alors que vous écoutez. The Spirit is entering into you. L'esprit est en train de entrer en vous. Let me tell you something. Asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Listen to me because this is going to really encourage you. Écoutez ça, ça va vous encourager beaucoup. There are two things I want to tell you. Il y a deux choses que je veux dire. Deux. Since that day, depuis ce jour-là, my life has been changed. Ma vie a changé. But the news is that that is not the only time that the Holy Spirit has come upon me. Mais la nouvelle, les nouvelles, ce n'est pas la première fois que le Saint-Esprit est venu sur moi. And all the other times, it was not like this. Et les autres cas n'étaient pas comme ce cas. Oh yes. So if you are expecting to have an experience where you feel something enter into you and you hear a voice before you know that you are anointed, you may wait till you are in heaven, staying in address number anointing free lane. Si tu attends à ce que tu entendes une voix comme je l'avais entendu jusqu'à ce que tu comprennes que tu es appelé, tu vas attendre jusqu'à ce que tu vas te trouver au ciel un jour sur l'avenue sans onction au ciel. Oui. Hey. So, if you are here, si tu es ici, it's like laying on of hands. C'est comme imposition when des mains. Somebody lays hands on quand you, quelqu'un impose ses mains sur toi, it's a privilege, and you must just believe. C'est un privilège, tu dois croire. As the hands are laid on you, you have received something. Amen. Dès que les mains ont été imposées sur toi, tu as reçu quelque chose. When Bishop Oyedepo came to Ghana, quand Bishop Oyedepo était venu au Ghana, recently, récemment, I went, je me suis allé to see him, pour aller le voir. And I was shocked. He asked me to come on, sit on stage, and I was sitting by him. J'étais choqué. Il m'avait demandé de venir s'asseoir sur l'estrade avec lui. J'étais à côté de lui. When he finished preaching, quand il avait fini de prêcher, you know, this is it, the quality of the hands that are laid on you. Voyez, determine your outcome. Écoutez, quality of the hands. C'est la qualité des mains imposées sur toi qui détermine le résultat. So when he finished preaching, donc quand il avait fini de prêcher, he sat down. Il s'est assis. And I turned to him. Et je me suis tourné vers lui. I don't know what I said. Je sais pas ce que j'avais dit. Then he held my hand. Et il a tenu ma main comme ça. And I also held his hand. Et moi aussi j'ai tenu sa main. And he did not leave my hand. Et il n'a pas laissé ma main. And I said to myself. Et je me suis dit, this is it. C'est ça. This is it. C'est ça. This is it. This is it. Oui. This is it. C'est ça. Yes. C'est ça. And I held his hand. J'ai tenu sa main tightly. Très fort et serré. And started receiving a transmission. Et j'ai commencé à recevoir des transmissions of power, de puissance and anointing, et d'onction. For almost 5 minutes, pour 5 minutes, holding my hand. On s'est tenu les mains. I don't know, je sais pas, he was conscious of what he was doing. Si il était conscient, I suspect he was. Mais à un moment donné, j'ai su qu'il était conscient de ce qu'il faisait. After that, après cela, I was okay. J'étais ok. Now, not knowing that that was not the end. Ce n'était pas la fin. After, après, he said, I should come with him. Il a dit de venir avec lui. I was going to go anyway. Il va aller, il le répétait. They asked me to sit in his car by him, so the two of us were donc sitting. On m'avait dit de m'asseoir dans sa voiture. C'était nous les deux when dans la voiture. To the hotel, à l'hôtel, quand on était arrivé, the hotel had two sections. Il y avait deux sections de l'hôtel. In the room, dans sa chambre. Place where everybody was, in a small private place. Yeah, and he said, "Come into the private place." Il m'avait demandé de venir dans la place privée. So I was just there with him and my friend. J'étais là avec lui et mon ami. Reverend Steve. Révérend Steve. We talk with him. On était en train de parler avec at lui. First I sat on the other side. Un moment donné, j'étais assis. Come and sit by me. Et il m'avait dit, viens t'asseoir à côté de moi. The quality of the people that you are nearer to determines your future. Écoutez, la qualité des gens avec lesquels tu gères, c'est ça qui détermine l'avenir. When you finished, donc quand on avait fini, I don't know whether we asked him to pray for us. Je sais pas si on avait lui demandé de prier pour nous. He just, I knelt down. Je me suis mis à genoux. And he just laid his hands, but very, very, very brief. Il a imposé sa main. He didn't want to. C'était très bref. He just laid his hands. Il a prayed a very short prayer. Une prière courte. And I was not surprised. J'étais pas surpris. Because parce que I have received my laying on of hands. On the stage. Parce que j'avais that, déjà that hand that he held, yeah. That was it. Parce que je n'étais pas étonné parce que j'avais déjà reçu l'imposition de sa main quand on était sur l'estrade et il a tenu ma main comme ça. C'était ça. Yes. Oui. Quality hands. Les mains de qualité. Yes. Sur ma tête. C'est ça qui détermine. See, he said, arise and shine for thy light is come. Two reasons. The light has come and the glory has come on. Il dit, lève-toi. So, I will tell you, je vais te dire, on more than one occasion. Plus de une fois. On more than one occasion. Plus d'une fois. I've received that anointing. J'ai reçu and l'onction. Most of the time, he said, the most unexpected. One of the times that God anointed me was in Conakry. Oh, yes. Oui. I arrived in Conakry and I was the most tired human being on the earth because my flight has been delayed for so many hours. J'étais arrivé à Conakry, j'étais la personne le plus fatiguée dans le monde entier parce que mon vol était un peu retardé. As soon as I lay down, quand je me suis endormi on the bed, sur le lit, an angel appeared with the longest bottle that I've ever seen in my life. Un ange est apparu avec it's la like bouteille. I cannot forget it. La bouteille la plus longue yeah, j'ai jamais it just comes to me like that. Je ne peux pas même oublier. Here is oil for you. L'ange dit, voici l'huile pour toi. It was right there that miracles started happening before I prayed for people. C'était là. It was called an outbreak. C'était là. Ebola outbreak. This was miracle outbreak. C'était là. J'ai commencé à voir les miracles même avant de prier. Et c'était ça qu'on appelle. C'est comme une explosion de miracles. Outbreak. Pas explosion. Outbreak. Hey. Epidemic. Éruption. Ok. C'était une éruption de miracles. As you go from this place, alors que vous partez d'ici, there is an outbreak of miracle power and healing in your life. Il y a une éruption de miracles qui se passe dans ta vie. Amen. Amen. God uses you, and I need you to believe. Je veux que vous croyiez. You are anointed. That's why it says, "Arise and then shine." Because your light has come and the glory is on you. Believe it. Je veux que vous croyez. Go and shine. Go and shine. Go and shine. Go and shine. Amen. Go and shine. Amen. Go and shine. Amen. Go and shine. Amen. Go and shine. Amen. Go and shine. Amen. Allez resplendir. Allez resplendir. Allez resplendir. Allez resplendir. Allez resplendir. Amen. Amen. Ezekiel chapter 2, verse 2. Ezekiel 2. Did you ever open there? Est-ce que vous avez vu, vous avez lu, vous avez... Did you open it? Vous avez ouvert? Ezekiel 2. Ezekiel 2. Verse 2. Did you open it? Verset 2, c'est ouvert déjà? Now open Ezekiel chapter 3. Maintenant, il faut. But look at Ezekiel 2 verse 2. And the Spirit entered into me. Et l'Esprit entra en moi. When he spake unto me. Quand il parla à moi. And set me on my feet. Il me fait. So as I am speaking to you. Alors que je parle à vous. As God is speaking. Alors to que you, Dieu vous parle. The Spirit is entering you. L'Esprit entre en toi. That morning, ce matin, God was speaking to me, quand Dieu me parlait, the Spirit was entering into me. L'Esprit entrait en moi. But doesn't end there, it continues in Ezekiel chapter 3. Mais ça ne termine pas là-bas, regardons Ezekiel 3. In Ezekiel chapter 3, en Ezekiel 3, verset 22, and the hand of the Lord was there. Upon me. Et la main de l'Éternel fut là sur moi. And he said unto me, arise and go forth into the plain. God is sending you into somewhere. Il a dit, lève-toi, sors dans la vallée. And I will talk there with thee. Et là, je parlerai avec toi. Okay? Okay. This is another master key to receiving the anointing. Voici obedience. Une clé maîtresse pour recevoir going l'onction. Where you are asked to go. Aller où on t'a demandé d'aller. And doing what you are asked to do. Et faire ce que on t'a demandé de faire. He said, go to the plain. Aller dans la vallée. Not to the city, the plain. Pas à la ville, mais dans la vallée. And I'll talk with you there. Et je vais parler avec toi là-bas. Then I arose. Et quand je me suis levé. And I went forth into the plain. Et j'ai sorti dans la vallée. And behold, the glory of the Lord stood there. Et voici la gloire de l'Éternel se tenait là. As the glory, the same glory that I saw by the river of Chebar. Selon la gloire que j'avais vue près du fleuve Kebar. And I fell on my face. Et je tombais sur ma face. Then the Spirit entered into me. Et l'Esprit entra en moi. The same Spirit that entered into him as he was listening to the message. Was now entering into him as he was obeying God and going into the plain. Le même esprit qui est rentré en lui quand il écoutait le message, le même esprit est rentré en lui quand il a obéi Dieu pour aller dans la vallée. The Spirit entered into me as I obeyed and went to the plain. L'esprit est entré en moi alors que j'obéissais pour aller dans les vallées. And he set me upon my feet and spake with me. Et il me fait tenir et il me parlait. And said unto me, go and shut thyself within thy house. Et me dit, va, enferme-toi dans ta maison. So in Ezekiel 2, chapter 2, verse 2, dans Ezekiel chapitre 2, verset 2, the Spirit entered into him whilst he was speaking. L'Esprit entrait en lui quand il parlait. But in chapter 3 and verse 23, the Bible says, the Spirit entered into him when he went to the plain as he was asked to go. Mais chapitre 3, 22, l'Esprit est entré en lui quand il a obéi pour aller dans la vallée où il était envoyé. People are missing on huge dimensions of the anointing because it's not just about listening to messages, but it's about obeying what he says. Les gens sont en train de rater des grandes dimensions de l'onction parce qu'il ne s'agit pas d'écouter seulement, mais aussi de faire ce qu'il est en train de dire. That causes the anointing to grow. C'est ça qui fait que l'onction grandisse. And to come again and again and again and again. Et l'onction vient encore et encore et encore et encore. He spoke unto me and said, my son of man, go into the plain and I'll speak to you there. Il me parla et dit, fils d'homme, allez dans la vallée, je vais parler avec toi. I went there. Je suis allé là-bas. And the Spirit entered into me there. Et l'Esprit est entré en moi là-bas. I have many pastors whom have listened to 1,000,000,000 messages. J'ai des pasteurs qui ont écouté des milliers de. When it's time to go to the plain. Mais quand il est l'heure d'aller dans la vallée. No plain. Il dit non, pas de vallée. No plain. Non, pas de vallée. There's nothing on a plain. Il y a rien là-bas dans la vallée. When you say a woman is plain or when something is plain, it means that it's sort of bare. Quand on dit une femme est pleine, ça veut dire que c'est pas plein, mais pleine, ça veut dire que elle n'a rien. She looks plain today. Aujourd'hui, elle a l'air pleine. Ça, no makeup, simple, no, pas de maquillage. Nice hair, no. Les nice cheveux dresses, ne sont pas plain. Elle est simple. God said, go to the plain. Quand Dieu dit, faut aller dans la vallée. Arise. Lève-toi. Shine. Resplendis. Your light is come. Ta lumière est venue. The glory, the anointing. La gloire, l'onction is on you. Est sur toi. Is on you. Est sur toi. Is on you. Est sur toi. Is on you. Est sur toi. Is on you. Est sur toi. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hey. Isaiah 60. Esaïe 60. Is it fantastic? It's fantastic. Is it amazing? It's amazing. Est-ce que c'est fantastique? C'est fantastique. Est-ce que c'est étonnant? Now arise and shine. Two things. Deux choses. Glory has come. La gloire est venue et la lumière. Light. La lumière. Now what is this light? Quelle est cette lumière? What you must realize is that the light is the word of God. Thy word is a light for my path. La lumière, a lamp for my feet. La lumière est quoi? La lumière, c'est la parole. Ta parole est une lumière à mes sentiers et une lampe à mes pas. So when you say thy light is come, donc quand on dit que la lumière est venue, it means the light has come. Ça veut dire que la lumière est venue. The word of God has come. La parole de Dieu est venue. Psalm 119 verse 105. Psaume 119 verset 105. Psalm 119. Psaume. Thy word. Psaume 119 105. Is a lamp. Ta parole est une lampe. For my feet. Pour mes pieds. And thy word et ta parole is a light est une lumière for my path pour mes pieds. So arise and shine. Alors lève-toi et resplendis. Because your light parce que ta parole has come est venue. In other words, the word has come. Autrement dit, la parole est venue. Now, in Jésus qui guérit. Maintenant, dans mission cette, international, dans cette mission internationale jusqu'à guérir, we have many wonderful books. Nous avons des livres très merveilleux. People that are outside mission international, Jésus qui guérit, are amazed at these books because it's such a light and revelation. Les gens qui sont en dehors de la mission internationale Jésus qui guérit sont émerveillés par ces livres que nous avons. So, we inside the mission international Jésus qui guérit. Donc nous qui se trouvons dedans cette mission internationale Jésus qui guérit, have a greater blessing because we are the children of the house. Dogs and strangers have the cramps. Nous devons vraiment bénéficier de cette grande bénédiction parce que ceux qui sont dehors sont des chiens qui en profitent des miettes. Is that not what Jesus said? Ce n'est pas ce que Jésus a dit. It's not right to give the children's bread to dogs. Il a dit ce n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. And the woman said, I know I am in the dog category, but I still want my miracle. Et la femme a dit, je sais que je suis dans la catégorie des chiens, mais je veux toujours mon miracle. Today, aujourd'hui, you are the children. Vous êtes les enfants. These wonderful books, ces livres merveilleux, mega church, la méga église, church growth, la croissance de l'église, transform your pastoral ministry, transformez votre ministère pastoral, what it means to become a shepherd, ce qui signifie être berger, loyalty and disloyalty, loyauté déloyauté, those who leave you, ceux qui vous quittent, those who forget, ceux qui oublient, those who accuse you, ceux qui t'accusent, those who pretend, ceux qui prétendent, those who are dangerous sons, ceux qui sont les fils dangereux. Art of shepherding. L'art d'être berger. Art of leadership. L'art de leadership. Art of ministry. L'art de ministère. Art of following. L'art de suivre. It's a light that has come. C'est une lumière qui est venue. People want it all over the world. Les gens cherchent ces livres partout dans le monde entier. Love, can you believe that? Est-ce que tu peux croire que I have a pastor in Brazil. J'ai un pasteur au Brésil. With his wife, lui et son épouse, and 4 children. Et 4 enfants. They don't have any work. Ils n'ont pas de travail in that country. Dans ce pays. Only these books. C'est seulement ce livre là. People want the books. Les gens veulent les livres. Invite him. Il l'invite. Come and speak. That's how he lives there. Il faut venir prêcher. Do any other work. Il ne fait aucun travail. Doesn't oui. Get money from anywhere. Il n'a pas de l'argent par. Only these books. C'est ces livres. Is it not fantastic? Est-ce que c'est pas fantastique? Hey. Hey. And in other countries, many people like that. Les, dans les autres pays, beaucoup I de know one person, his only work is my book. He has employed about 9 people. J'y connais quelqu'un, son travail c'est de vendre ses livres. Et yeah. Il a embauché 9 personnes pour travailler avec lui. In another country. Dans un autre pays. He doesn't ask us for anything. Il ne demande rien de moi. Only the books. C'est seulement les livres qu'il vend. The books is such a blessing to many people. Les livres sont des bénédictions. When you have sometimes a beautiful wife, quand quelquefois tu as une belle femme, you stop noticing that she's beautiful. Tu arrêtes de, yeah, tu arrêtes de remarquer qu'elle est belle. True or not true? C'est vrai ou c'est pas vrai? So I remember one time the Lord was showing me, look at your wife, she's beautiful. And I said, oh, it's true. When I look at her, it's fine. Je me souviens récemment, le Seigneur m'a dit, regarde ton épouse, elle est belle. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, elle est belle. We need to do that to our books. We need to step back as if we are not in Lighthouse and say, Chale, the book is wild. The book is a great book. Nous devons reculer un peu comme si nous ne sommes pas de cette église. Regardez les livres et dites, mon gars, les livres sont très bons. Très bons. Some what? He should say some bon there. Oui. Tu dois reculer un peu, regarder les livres et dire, les livres sont bons there. Some bon there. C'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est bon, hein? You don't know what you have. Tu sais pas ce que tu as. Every church that is coming up, and you're a pastor, you should be holding mega church and saying that I cannot allow this book to get finished because it is not finished. It can never be finished. Chaque pasteur qui va commencer une église doit tenir le livre la méga église et dit, je ne vais jamais finir ce livre parce que ce livre ne peut pas être fini. Church growth. La croissance de l'église. It cannot finish. Ça ne peut pas finir. No. Non. Church planting. L'implantation. Cannot finish. Ça ne peut pas finir. Because I have not finished. Parce que je n'ai pas fini. But many of us have thought, oh, I finished. Beaucoup disent, oh, j'ai fini de lire. But you could not have finished. Mais ça ne peut, with 30 pas. Members and 20 members, how have you finished? Avec 30 membres, 20 membres, comment est-ce que ça peut finir? Yeah. Oui. So arise and shine, because two things, light has come and the glory is risen. So everybody must have a Makarios. Everybody must have the books. You must have the Makane. You must listen. You must study. You must say that I don't know what is in this book yet. Donc il dit, lève-toi, deux choses, parce que la lumière est venue et la gloire. Tout le monde ici doit avoir la Makarios, Makane. Tu dois l'étudier, tu dois rentrer dedans, parce que ce n'est pas encore fini. Then you start shining. Alors tu vas commencer à briller. Then you start shining. Tu vas commencer à resplendir. Then you start shining. Tu vas commencer à resplendir. Then you will be shining. Et tu vas resplendir. Amen. Amen. Isaiah 60. Ésaïe 60. For behold, the darkness shall cover the earth. Car voici, les ténèbres couvriront la terre. And gross darkness shall cover the people. Et l'obscurité profonde. But the Lord shall arise upon thee. Mais sur toi se levera. And his glory shall be seen upon thee. Mais sur toi se levera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. Amen. Amen. You see, tu vois, there's going to be a lot of darkness all over the world. Il y aura beaucoup de ténèbres partout dans le monde. More than you have ever imagined. Plus que tu peux imaginer. It's getting worse. Ça devient pire. But in spite of that, mais malgré toutes ces choses, in your life, ta lumière, the Lord shall arise upon thee. That means the anointing will come upon you. L'Éternel se lèvera sur toi. Ça veut dire l'onction viendra sur toi. And his glory shall be seen upon thee. Et sa gloire sera vue sur toi. That is your portion, Mission International. C'est ton partage au nom de Jésus-Christ. And the Gentiles shall come to thy light. Et les nations marcheront à ta lumière. And kings to the brightness of thy rising. Et les rois à la splendeur de ton lever. Everybody here has a light. Tout le monde ici a une lumière. There's a light in you. Il y a une lumière It's en toi. Inside light. Ça s'appelle la lumière l'intérieur. Inside light. La lumière de l'intérieur. And Gentiles or non-Christians shall come to the light that is in you. Et les païens, les non-chrétiens viendront à la lumière interne. Look at all of you. Regarde à tout le monde. You don't know me from anywhere. Vous ne me connaissez pas. You don't know my family. Connaissez ma famille. You don't know my father. Connaissez mon père. You are not related to my mother. Est-ce que vous êtes relaté à maman? You are not related to my uncle. Pas même mon oncle. You are Gentiles from other nations. Vous êtes les païens de d'autres nations. And you have come to the light that is shining in me. Et vous êtes venu à la lumière qui resplendit en moi. Oui. Gentiles shall come to thy light. Les nations viendront à ta lumière. Yes. Oui. And kings. Et les rois. To the brightness of thy rising. À la splendeur de ton lever. As I've risen, alors thy rising. Alors que je me lève. Kings. Les rois. Have come sont to that. Venus à ça, à mon lever. Amen. One day. Un jour. I was at a program. J'étais à un programme in the nation. Dans une nation. And all the presidents, tous les présidents that have ever been presidents, qui ont été jamais présidents in Ghana, au Ghana, were there. Étaient là. And I was, when I got there, I was given the second row. Quand je me suis arrivé, on m'a donné le premier rang the derrière. Main deuxième rang derrière. Main pastors were sitting in the front, but there was no space for me. I don't know, but I was just the way I was given, so I sat there. Tous les pasteurs principaux étaient au premier rang. J'étais deuxième parce qu'il n'y avait pas de place pour moi. At the end of the program, à la fin du programme, all the presidents, current, former ones, all of them were greeting the people in the row, so they were shaking the hands of the front. Tous les présidents étaient en train de saluer les présidents anciens, présents, en train de saluer les gens qui étaient au premier rang. And I was at the back. Et j'étais derrière. And I knew that. Et je savais que, based on my position, à cause de ma position, I will not shake hands with any president. Je ne vais pas serrer la main d'un président. There was a lot of crowd and they were going slowly like this with the security and all the presidents were all coming. Il y avait une grande foule et ils bougeaient avec la sécurité, avec le président. When the first one, a former president, got to the person and he looked behind and saw me, then he went behind. Kings shall come to the brightness of thy rising. Hallelujah. Alors que le président était en train de serrer les mains, quand il est arrivé là où j'étais, et il a jeté un coup d'œil, il m'a vu, il a dit aux gens de s'écarter, il est venu à moi me saluer, et j'ai dit, les rois sont en train de venir à m'enlever. All the other presidents came. Alors après ça, tous les autres présidents le suivaient. I was just enjoying my back seat. They were coming to me. I was not going to them. They were coming to me. Et j'étais là. It shall happen practically in your life. Et j'étais là derrière, j'étais content parce que maintenant, ce sont les rois qui venaient à moi. Et ça, ces choses, ça va se réaliser pratiquement dans ta vie au nom de Jésus. Hey. Kings shall come to the brightness of thy rising. You are destined to rise. Tu es destiné de se lever. Your destiny is to be the salt of the earth. Ta destinée c'est d'être le sel de la terre. And when you are the salt of the earth, ou le sel de la terre, you are what? Needed. On a besoin de toi. Every meal, you are needed for every meal. À chaque repas, tu auras besoin en tant que sel. Amen. You ask, is there no Jésus Kigeri Mission International person here? We need you. Yeah, il y a personne ici qui est inutile. On a besoin de toi. That is your portion. C'est ton partage. Verse 4. Verset 4. Lift up thine eyes round about and see all they gather themselves together. They come to thee. Thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side. Lève-toi autour de toi tes yeux et regarde, ils se rassemblent tous. Ils viennent vers toi, tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Thy sons, tes fils come from far. Viendront de loin. All of you here are my children. Vous tous ici, vous êtes mes enfants. I don't even speak your language. Je ne parle même pas votre langue. But you have become my sons and my daughters. Vous êtes venus mes fils et mes filles. And you have come from far. Et vous êtes venus de loin. Thy sons shall come from far. Tes fils viendront de loin. The anointing is a very real thing. See, if it's not today, it will be tomorrow. It happens, it happens, it happens, it happens. L'onction est quelque chose de réel parce que si ce n'est pas aujourd'hui, ça va se passer demain et ça va se passer, ça se passe, et ça se passe. And thy daughters et tes filles will be nest. Seront portées. As for daughters, they are just for nursing. Vous voyez, les filles, ce sont pour être portées. Être portées. Shall be nest at thy side. Yeah, vous serez portées. How many daughters want to be nest? At the side. Combien de filles vous voulez être que vous soyez portées? What a blessing. Yeah. Quelle bénédiction. That's the anointing. C'est l'onction. Arise and shine. Lève-toi et brille. Amen. Amen. What a blessing. Quelle bénédiction. It's going to happen practically. Ça va se passer de manière pratique. Pratique. I'm going to end when I read a particular verse. And it has to be read. Je dois lire then thou verset. Shall see and flow together. Are we flowing together? Yes. Are we flowing together? Yes. Are we flowing together? Yes. And thy heart shall fear and be enlarged because of the abundance of the seed that shall be converted unto thee. And the forces of the Gentiles shall come unto thee. Alors tu verras. Et tu seras rayonnante et ton cœur frissonnera et s'élargira car l'abondance de la mer se tournera vers toi et les richesses des nations viendront vers toi. Verse 7, all the flocks of Kedar shall be gathered and the rams of Nebaioth shall minister unto thee. Rams are sheep. Your members will be ministering to you. Rams are ministering. Les béliers rams. Vont vous servir, les béliers. Et il dit que tous les nations, il dit que tous les troupeaux de Kedar se rassembleront vers toi. Les béliers de Nebaioth te serviront. Et les béliers sont des brebis et ce sont tes membres et ils vont vous servir. Ils viennent vous servir. Les béliers. People are jealous of pastors. Les gens sont jaloux des pasteurs. When our sons come from far, parce que nos fils viennent de loin. And our daughters are nursed at our side. Et nos filles sont portées par they les don't bras. Understand it. Ils ne comprennent pas. And when the rams are ministering et to us, quand les béliers vont nous servir, they are so jealous. Ils sont jaloux. Jaloux. Jaloux. Hey. Verse 8. Who are these that fly as a cloud and as the doves to their windows? People are going to be wondering who are these flying to Paris, flying back to Conakry, flying here. Who are these? Every day you are flying. Every day you are flying. Every day you are flying. Who are these? Hey. It's a cloud. Verset 8. Qui sont ceux qui volent comme une nuée et comme les colombes vers leur colombier? Écoutez, les gens ici, vous allez voler dans les avions de Paris à Conakry. Et les gens vont se demander, mais qui sont ces gens-là? Tout le temps, vous êtes dans les avions en train de voler par là, voler par-ci. You know, sometimes when I go to the airport, people are wondering, who is this man flying? Today I'm going here, tomorrow I'm going here. Because the secret service, they are always there. Parce que chaque fois que je suis à l'aéroport, les gens writing, when you leave, when you come, who you are with. Oh, they are there all the always. Secret service. Yeah. Spies. They think we don't know that they are spies. Il y a les anges, les agents de secret, les services secrets sont toujours à l'aéroport. Ils me regardent, mais quel si cet homme-là tout le temps en train d'aller, venir et tout le temps en train d'écrire des choses, mais ils ne savent pas que je suis au courant qu'ils sont des agents de secret service. Wow. Des espions. Services secrets. Some of you have not flown on an aeroplane before. Il y a certaines personnes ici, tes pieds n'ont jamais touché même un avion. A day is coming. Mais le jour vient. A day is coming. Le jour vient. You'll be tired of flying. Tu seras fatigué de rentrer dans tes avions. Hallelujah. Hallelujah. Who are these? Qui sont ceux qui that fly as a cloud. Qui volent comme des nuées? Verset 9. Surely the isles shall wait for me and the ships of Tarshish first to bring thy sons from far their silver and their gold with them. Hallelujah. Amen. People are going to come to you with silver and gold. Amen. Car les îles s'attendront à moi et les navires de Tarsis viennent les premiers pour apporter tes fils de loin leur argent avec eux. Les gens viendront à toi avec l'argent. Silver and gold is coming. Il y a l'or et l'argent qui vient à vous. Do you believe what I'm saying? Mais est-ce que vous croyez dans ce que j'entends de dire? One day, un jour, I was listening to a great man of God who was talking about the anointing. J'écoutais un grand homme de Dieu parler de l'onction. And he said, et il a dit, if God has called you, si Dieu t'a appelé, he will bring money. If you are really called, et si tu es réellement appelé, you have money. Tu auras l'argent. Yes. Oui. To do what he has called you to. Pour faire ce qu'il t'a appelé de faire. That's one of the characteristics of the anointing. Un des caractéristiques. It draws money. Ça attire l'argent. Money is drawn. Ça attire l'argent. Money is drawn. Là, attire l'argent. One day. Un jour, a brother was giving me an offering, and I told him, "Look, you need this, man. I don't need it. I don't need it." Un frère me donnait une offrande. Je lui ai dit, "Frère, c'est toi qui as besoin de l'offrande, pas moi. Je n'ai pas besoin de ton offrande." And he said, "I don't have any spiritual explanation, but I still want to do what I can give you is a proverb." Et il m'a dit, je n'ai pas d'explication spirituelle pour faire ce qu'il est en train de faire, mais tout ce que j'ai, c'est un proverbe pour expliquer. And the proverb he said was that even the ocean receives rain. Et le proverbe, il a dit, même l'océan, la grande mer, ça reçoit la pluie toujours. Even the ocean. Même l'océan reçoit la pluie tout le temps. So I should please receive the Donc, il m'avait supplié de recevoir son offrande. Even as an ocean. Même en tant qu'océan, coming on the ocean. La pluie tombe sur l'océan aussi. Which is full of water. Et c'est plein déjà d'eau. I became silent. Je suis devenu maintenant silencieux. And I received Et je... his... reçu sa pluie. You are declared to be an ocean. And upon you it shall rain. Receive it in Jesus' name. Tu as été déclaré un océan. Et la pluie va tomber sur toi. Recevez le nom de Jésus. Wow. Wow. He said, "The sons of strangers shall build up thy walls." Les fils des étrangers vont construire tes murs. And their kings shall minister unto thee. Et leurs rois vont vous servir. Verse 10. Verset 10. The sons of strangers. Les fils de l'étranger. Shall build up thy walls. Bâtiront tes murs. And their kings. Et leurs rois. Shall minister unto thee. Te serviront. Wow. Wow. Sons of foreigners. Les fils des étrangers. If you come to this school, si tu viens à cette école, you will meet so many people from different countries. You just stop anybody else. Where are you from? They will mention a different country. Tu vas rencontrer les gens de différents pays. Il faut stop arrêter quelqu'un. Any of the students, where are you tu from? Peux parler à tous les étudiants. Tu viens d'où? They will mention a different country. Ils vont te dire un pays différent. And many of them are, they have duties on campus building. And I see this scripture is fulfilled. They are building the walls, like sons of strangers, foreigners are here digging. They built the walls. They built a lot of things. They're doing it. It's happening practically. This is Isaiah 60. Arise and shine, for thy light has come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Ces étudiants, ce sont eux aussi qui sont en train de construire. Je les vois en train de construire les murs creusés. Et ce verset me revient en réalité. Parce que Isaïe 60 dit, lève-toi. Car ta lumière est venue. Donc, ce verset se passe réellement dans ma vie de manière pratique. When I went to Israel the first time, I found there were a lot of Ghanaians there. Quand je suis allé en Israël, j'ai vu beaucoup de Ghanéens en Israël. So I asked them, "Do you have papers to stay here? Je voulais demander, est-ce que vous avez les papiers pour résider ici? They said no. Ils ont dit non. So I said, how come they don't how the police don't take you out? J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les policiers ne vous chassent pas d'ici? He said, because in Isaiah 60. Et ils ont dit, à cause de Ésaïe 60. It says that the sons of strangers. La Bible dit, les fils des étrangers. Shall build your walls. Ils vont venir construire tes murs. The Ghanaians and Nigerians and others who are working there as house help. Ceux qui travaillent là-bas comme des domestiques. Cleaning and doing nettoyer. They see it as a fulfillment of Isaiah 60. On les voit comme l'accomplissement de Ésaïe 60. Don't think about it, believe it. Faut pas penser à cela, il faut croire seulement. I never knew that I would know a Congolese person. Je ne savais pas que j'allais connaître quelqu'un de Congo. I never knew. Je ne savais pas, jamais. I never thought I would know somebody from Gabon. Je ne savais jamais que j'allais connaître quelqu'un de Gabon. I never knew I would know people from Burundi. Je ne savais pas que j'allais connaître les gens de Burundi. I mean Rwanda, I never thought I would know Rwandais. Je savais pas que j'allais connaître les Rwandais. I never thought I would know from South Africa, from Zimbabwe. Je savais pas que j'allais connaître les gens de Zimbabwe, Afrique du Sud. Guyana. La Guyane. I never knew. Je ne savais jamais. Do you know where Guyana is? Est-ce que tu sais où se trouve Guyane? If you want one day to travel far, go to Guyana. Un jour si tu veux voyager, faut aller à la Guyane. Yes. Oui. Is it not amazing? Est-ce que c'est pas étonnant? As for the anointing, it's real. It's a real thing that happens. Quand il s'agit de l'onction, c'est quelque chose de réel. Ça se passe réel. How many want more to walk in God's light and anointing? Combien veut marcher plus en plus dans l'onction et la lumière et la gloire de Dieu? I want it. Je le veux. I want it. Je le veux. I want it. Je le veux. I want it. Je le veux. I want it. Je le veux. I want it. Je le veux. I want it. Je le veux. And I'm walking in it. Et je marche dedans. Je marche dedans. Verset 11. Thy gates shall be open continually. Tes portes seront continuellement ouvertes. Verse 12. The nation and the kingdom that will not serve thee shall perish. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Périront. Verse 14. Verset 14. The sons also of them that afflicted thee shall come bending unto thee. Et les fils de tes oppresseurs viendront se courber devant toi. All they that despise thee shall bow themselves down. Et tous ceux qui t'ont méprisé se prosterneront à la plante de tes pieds. They shall call thee the city of the Lord. Ils t'appelleront la ville de l'Éternel. Has anybody laughed at you before? Est-ce que quelqu'un une fois s'est moqué de toi? I'm surprised. I thought I was the only person that. Je suis étonné. Je pensais que j'étais la seule personne. Me, I'm used to people laughing at me. Je me suis habitué à la moquerie. Les gens se moquent de moi. Yeah. Oui. Yes. I've seen it and seen it and seen it. J'ai vu ça depuis longtemps, toujours. Because when you start something, parce que quand tu commences quelque chose, it's so small. Et c'est très petit. They laugh. Ils vont se moquer de toi. Pastor. Pasteur. Okay. Ça va. Church in garage. They called you that garage church. When they started, they said the church in the garage. À Lomé, on nous appelait l'église dans le garage. Today they are coming every Sunday to take pictures. Aujourd'hui, chaque dimanche, ils viennent prendre des photos. They shall come bending unto you. Ils viendront se prosterner à tes pieds. One day, un jour, a certain brother left the church. Un certain frère a quitté l'église. And they asked him, why did you leave? Et on lui avait demandé, pourquoi tu as quitté l'église? He said, oh, but the pastor doesn't have anointing. Il dit, mais le pasteur n'a pas d'onction. There are no miracles in the church. Il n'y a pas de miracles dans l'église. No miracles. Il n'y a pas de miracles. I need a place where there is power. Je veux une église où il y a la puissance. Miracles. Il y a des miracles. He mocked me. Et il s'est moqué de moi. Left the church. Il a quitté l'église. Yes. Oui. I don't even know where you can find this fellow today. Je ne sais même pas où on peut trouver ce gars-là, même sur la terre. Aujourd'hui, never forget him. Anybody who laughs at you, don't forget the person. Quand quelqu'un se moque How de toi, how many can remember three people who have laughed at you before? Three people. Combien se souviennent de trois personnes qui se sont moquées de toi? They say, is this a church? Il dit, mais est-ce que ça c'est une église? When my son came back from school, quand mon fils est venu de l'école, I told him, je lui ai dit, go and start a church at the construction site. Il faut aller commencer une église au chantier de construction, au chantier. Where they are building. Là où on est en train de construire. He said, really? I said, yes, Il a really. Dit, ah, c'est vrai? Il a dit, oui, c'est really? Vrai. Faut aller. Start at 7 o'clock in the morning. J'ai dit, faut commencer before the sun comes up, because it will be very hot. You don't have any shade. Je lui ai dit, faut commencer 7 heures matin avant que le soleil se lève. Sinon, il n'y aura pas un abri à cause du soleil. And they started. Il a commencé. He came back, he said, we were five. Il est venu, il dit, on était 5 aujourd'hui. We were 3. Today we were 10. Aujourd'hui, on était 10. Today we were 12. On était 12. And they were there every day. Ils they étaient là tous les jours. Then they went and got a canopy. Ils sont allés chercher une bâche pour avoir un abri. Last week he told me we were more than 300 this. La semaine passée, il m'avait dit on était Those plus que 300. That are laughing at you will come and bow down to you. Ceux qui se moquent de toi viendront se prosterner devant toi. Hallelujah. Oui. Wow. Huh? And Simon, Lady Pastor Simon's children are in his church. Et les enfants de sœur Simon sont dans son église. Oh. Yes. Yeah. Wow. Don't be shy. Oh. N'aie pas honte. Don't be shy. You are not bad at all. N'aie pas honte. You're not bad. Tu n'es pas si mauvais comme tu penses. Hein? You are anointed. Tu es un oint. You know something? Tu sais quelque chose? Every good player needs a coach. Tout bon joueur a besoin d'un coach, un entraîneur. Who believes in you? Qui croit en lui. Sometimes you can't see how good you are. Des fois, tu ne sais même pas que tu es bon. But when your coach stands and tells you you are anointed, quand ton entraîneur vient et il dit tu es oint, run out there and start playing. Quand ton entraîneur dit tu es oint, tu sors et puis tu prends le ballon et tu donnes un but. Tu marques un but. When I saw Ida in school, I knew her 15 years ago. Quand j'ai vu Ida à l'école, ça fait 12 et 15 ans. I said, oh wow. J'ai dit wow. She can sing. Elle peut chanter. But nobody thought. And I remember I brought her to the Collegono Cathedral. Je me souviens, je l'avais fait venir à Collegono Cathedral. And I said she should sing. Et je lui ai dit de chanter. When she sang, quand elle a chanté, I spoke to one of the pastors. J'ai parlé à un des pasteurs. I said, how did you find? Comment tu trouves la chanson? And he laughed in a funny way. Il riait dans une certaine manière said, bizarre. You know, singing in the university is different from singing in a cathedral. Et le pasteur a fait un commentaire. Écoutez, chanter à l'université est différent de chanter dans une grande église comme ça. Yeah. Oui. You know, singing at the university is not the same as singing. It's a different stage. Et il a dit, vous voyez, chanter à l'église est différent de chanter à l'université. Ce n'est pas les mêmes. But if you have a coach, mais quand tu as un entraîneur who believes in you, qui croit en toi, your light will never go off. Tu n'auras jamais coupé de courant. Jamais. Yeah? Oui. watch yourself. You can sing. You sing. Tu vas voir. You can do it. Il a dit. It's working. Ça marche. Yes. Ça marche. Today people are listening to her music. Oh. Aujourd'hui les gens Even those who cannot speak English are listening to it. Aujourd'hui même les gens qui ne comprennent pas l'anglais écoutent sa musique partout dans le monde entier. True or not true? C'est vrai ou c'est pas vrai? Her latest concert was in India. Son récent concert était en Inde. How many singers? Combien de chanteurs? Go to Jamaica, to India, to Switzerland, to voyage France, to Germany, en Jamaïque, en Inde, en Suisse. Yeah. But mais when I asked, quand j'ai demandé, what do you think? À un pasteur, he said, qu'est-ce que tu penses? You know, il a dit, tu sais, singing at tech is not the same as singing on the stage. Chanter à l'université n'est pas la même chose comme chanter sur les strates d'une église. He had a coach. Mais elle avait un entraîneur. Yeah. Wow. Ouais. As you are staying here, you see, alors que tu es ici aujourd'hui, pastors, many of you, beaucoup de pasteurs, God has raised me like a coach for you. I'm telling you, you are anointed. You can do. À tous mes pasteurs, Dieu m'a élevé comme un entraîneur pour vous. Et je vous dis, vous êtes ouin. Look, when you are anointed, quand tu es ouin, most of the time you don't feel anointed. Tu ne ressens pas que tu es ouin. Do you know when I learned it? Tu sais où j'ai appris à prêcher? He said. Il a dit. Ah! Ah! What time is it? Il est quelle heure? I'm feeling hungry. J'ai faim. I was surprised. J'étais étonné. He was just about to lay hands on the people and he was saying he's hungry. He wants to go for lunch. Il était sur le point de imposer les mains sur les gens. Il a décidé d'aller manger. He ministered to the people powerfully. Et il a administré la puissance de Dieu aux gens puissamment. But the feeling he was having was that he's hungry and he wants to go for lunch. Le sentiment qu'il avait, c'est aller déjeuner. So many times you are anointed, but all you feel is normal. You feel like, I feel tired, I feel hungry, I feel normal, I feel irritated, I feel whatever, but you are anointed. La plupart du temps, tu es ouin, mais tu ne vois pas, tu ressens seulement la faim. Receive the anointing! Recevez l'onction! One day, un jour, God showed me a vision of myself. Dieu m'a montré une vision de moi-même. Wow! Wow! In the vision, dans la vision, my stomach, mon ventre, here, tout ici, became a door. Est devenu with une porte. The hinges were on the side here. Avec les la fermeture, non. Hinges. Non. When the door opens, donc, hinges. La porte s'ouvre sur les pommer. So there was pommer here. Donc il y avait des pommer ici. And there was a lock here. Et il y avait une serrure ici. How do you say lock? Serrure. Serrure. Okay. And in the vision, I was here and I was looking at myself. Donc j'étais en train de me regarder. Then an angel opened my stomach like this. Un ange a ouvert mon ventre comme From ça. From here to here, open like this. D'ici là, ça ouvert comme ça. I was surprised. J'étais étonné. No intestines. Il y avait pas d'intestin. No liver. Il y avait pas de foie. No stomach. Pas d'estomac. Nothing. Rien. Only three cables. Il y avait trois câbles. Going from here down. One, two, three. Un, deux, trois. Thick cables. C'était des câbles épais. Cables. Very tight. Les câbles électricité très épais. With. And they were making this noise. Bzzz. Et il like there was power, there was electricity. Il faisait de bruit. Zzz. Hey! And you know what the Lord said to me? He said, I want you to see that you are anointed. There is power in you and power in your ministry. Et l'Éternel m'a dit, je veux que tu vois que tu es oint parce qu'il y a la puissance en toi. And you know why God had to show me that? Et vous savez I didn't feel anointed. Parce que Dieu m'a montré, c'est parce que je ne me sentais pas loin. I feel hungry. Je sentais la faim. I feel tired. La fatigue. I feel sleepy. Et le sommeil. I have feelings. Et j'ai des sentiments. But not feeling of anointing. Mais je n'ai pas de sentiment d'onction. You have to show me this. Il devait me montrer ça. Oui. One day, un jour, I went to Argentina. Je suis allé à l'Argentine. Argentine. En Argentine. They don't have church in the morning, Sunday, but they don't go to church in the morning. Ils ne font pas culte le matin. They sleep in the morning. Ils dorment le matin. Church in the afternoon. L'église commence dans l'après-midi. After I preached. Après avoir prêché. I lay hands. Look, the people scratched me and even my watch got missing. Les gens, my watch, they took off. It was like water, fire all over the place. Quand j'ai prié pour eux, il y avait la foule. Ils m'ont même griffé. Quelqu'un même a pris ma montre. C'était comme l'eau et le feu mélangés. Nobody was left standing. Personne n'était debout. Personne. So I was surprised. I didn't feel anything. I just felt tired. Just normal. J'étais étonné parce que je ne sentais rien sauf la fatigue. Then I went into the pastor's room. Je suis allé dans la chambre du pasteur. And I was sitting there quietly. J'étais là calmement. A man came to see me with his wife. Un homme est venu me voir avec son épouse. Please pray for us. S'il vous plaît, priez pour nous. As soon as I touched, they did something like somersault. Dès que j'ai posé, and disappeared under a table. There was a table in the room. Dès que j'ai posé, only the feet were out. The two, only the feet came out of the table. Dès que j'ai posé ma main, I was surprised. J'étais étonné. Elles ont sursauté, disparu et ils étaient sur une table. I didn't have any feeling. Je n'avais pas de sentiment. Only feeling of tiredness. C'est seulement le sentiment de fatigue. Don't depend on your feeling to know if you are anointed. Ne dépend pas de tes sentiments si tu veux savoir que tu es un. Yeah. You see, most of us, the feeling that when we fast, that feeling is what we call anointing, but it is not. Beaucoup d'entre nous, quand on jeûne, il y a un sentiment. Vous croyez que c'est ça qui est l'onction, mais ce n'est pas ça l'onction. One day, un jour, I was invited to a big miracle crusade. J'étais invité à une croisade, une grande croisade de miracles. And I said, et j'ai dit, they said it's a miracle, a lot of sick people are coming. Ils ont dit il y a beaucoup de malades. I said I need anointing. Et j'ai dit j'ai besoin de l'onction. And the anointing is the feeling of hunger. That's what I thought. Et je, à cette époque, je croyais que l'onction était le sentiment de la faim. But mais when they took me to the hotel, quand on m'avait amené à l'hôtel, they told me, ils m'ont please, dit, we are having lunch down in the restaurant. Ils m'ont dit, on va faire un déjeuner au restaurant. I was so hungry and I said, today I will sacrifice the anointing for the lunch. J'avais si faim et j'ai dit, aujourd'hui, je vais sacrifier l'onction pour manger. So I went down to the restaurant. Donc je suis descendu au restaurant. And they brought the menu and they had filet mignon. Ils ont amené le menu, il y avait filet mignon dans le menu. Filet mignon. Filet mignon. So I said I'll have filet mignon. Et j'ai dit j'aime filet mignon. Very nice. The nicest I've ever had. C'est le plus joli que j'ai. Filet mignon. Do you know filet mignon? Yes. Vous connaissez filet mignon? How many don't know filet mignon? You don't know it. Uh-huh. A lot of us don't know it. I think maybe that was the first time, but anyway. C'était ma première fois, je pense. Hey, are you still here? Est-ce que vous êtes là? We are ending, but I'm telling you something. Nous sommes en train de clôturer, mais je vous dis quelque chose. When I went for the crusade, le soir quand je suis allé à la croisade, five nights. C'était cinq nuits. And I didn't understand the language. I didn't know what was happening. Je ne comprenais pas la there langue. There were so many miracles and power. Il y avait trop de miracles et puissants. I was amazed. J'étais étonné. After the interpreter told me, to inform you are now the main speaker for every day. At first you were only one day, but now you are every day. Après la prédication, mon interprète est venu. Et il m'a dit, avant, tu devrais prêcher seulement aujourd'hui, mais so maintenant, the, tu vas prêcher tous les cinq jours. Le lendemain, j'étais le prédicateur, l'orateur principal. When it was lunch time, il était l'heure de déjeuner. Ils said again, ils ont dit encore, it's lunchtime. Il est l'heure de manger. And I remember the filet mignon from the day before. Je me suis souvenu de filet mignon. I said, I don't know whether there is something in the filet mignon. J'ai dit, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans le filet mignon. So I went down again. Donc, je suis descendu encore. I ate filet mignon every day. J'ai mangé filet mignon tous les jours. My stomach was full of filet mignon. Blind was seeing. That was where I saw the dead raised. The dead was raised. Mon ventre était plein de filet mignon et c'est à cette croisade j'ai vu une mort ressuscitée. They brought, I said, they brought. This is the first person. They brought the dead to the crusade for me to raise. C'était la première croisade. Ils ont amené les morts à la croisade pour ressusciter. Everybody heard that dead was raised the day before. So les gens ont entendu que le jour with avant. With a bedsheet, white bedsheet like this by the stage. So you would have think it was not a loudspeaker. What? Here is a dead body, and here is the crusade. Next to it, like one towel. Here, I'm standing here. That's a dead. They brought him with ambulance. The cars were no cars. Ambulances, not cars. Cette nuit-là, with filet mignon in my stomach. Hey, give the Lord a shout. Cette nuit-là, j'avais filet mignon dans mon ventre. On avait amené des morts, des cadavres emballés, même dans les draps blancs. Mais c'était mon ventre qui était rempli de filets mignons seulement. Et la puissance de Dieu marchait. Quelqu'un crie à l'Éternel. Look, écoutez. I have learned not to think, how am I feeling tired, sweaty, hungry, cold, hot, rainy. Look, if you do that, one day I went for a crusade and it rained. We were now wet. And the weather was cold. And I was not used to miracles happening in a cold weather with rain. The miracle started to happen. And God said, I am a God of dry season, a God of rainy season. Parce que avant, je ne faisais pas la différence entre le sentiment de l'onction et la pluie, ou bien le fraîcheur, ou bien la chaleur. Mais un jour, pendant une croisade, la pluie tombait, on était si mouillés. Je me demandais, est-ce que Dieu allait faire quelque chose? Et cette nuit-là, nous avons vu des miracles et Dieu m'a dit, je suis le Dieu de la saison sécheresse et le Dieu de la saison pluvieuse. When we went to South Africa, quand on était parti en Afrique du Sud, winter, pendant l'hiver, winter, l'hiver, I made a mistake one night. I came wearing what I normally wear. I tell you, I almost died that day. I almost died. J'ai fait une erreur et j'ai porté un habit simple comme je portais. J'ai failli mourir cette nuit-là. My hand couldn't hold the microphone. Ma main ne pouvait pas tenir le microphone. Shaking. Je tremblais. I thought I was going to die. Je pensais j'allais mourir. God started to do miracles in the winter. Dieu a commencé à faire les miracles pendant l'hiver. One day, the winter was too much. I had to run away from the stage. Un jour, l'hiver était trop. J'ai fui de l'estrade. To go and wear something. Pour aller m'habiller dans quelque chose d'autre. And God was doing miracles in the winter cold weather. Dieu faisait des miracles dans l'hiver. Don't expect, oh, it has to be like this. Ne pense pas que ça doit être comme ça. As you are going, just remember some words. Arise, shine, your light has come, and the glory of the Lord is risen upon. Just remember this. Alors que vous êtes Rudy, will you remember that? I say, rise, shine. Will you remember this? Rise, shine. The glory is on you. The glory is on you. Yes. The glory is on you. Yes. Your light has come. Alors que vous êtes en train de rentrer, souvenez-vous d'une seule chose. Esaïe 60, on dit ensemble, lève-toi et brille, car ta lumière est venue et la gloire de Dieu est venue sur toi. Yeah. Verse 21, thy people also shall be righteous. Verset 21, ton peuple aussi sera juste. Thy people shall also be all righteous. Ton peuple sera juste. The two Kikeri International are going to be made of righteous people. La mission internationale Jésus guérit sera remplie des gens justes. Do you believe it? Est-ce que vous croyez en cela? They shall inherit the land forever. Ils posséderont le pays pour toujours. The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour me glorifier. And verse 22. Verset 22. And a little one. Et le plus petit. Shall become a thousand. Deviendra un millier. A little one. Le plus petit. Shall become a thousand. Deviendra un millier. And a small one. Et le moindre. A strong nation. Une nation forte. I, the Lord, will hasten it. Moi, l'Éternel, j'ai hâté. In his time. Cela en son temps. Receive this prophecy for your future. Recevez cette prophétie pour vos vies. May Jésus Kikeri Mission International be the greatest mission in the francophone. La mission internationale Jésus Kikeri sera la plus grande mission dans la francophonie. May a little one, que le plus petit, become a thousand indeed. Devient un millier en fait. Give the Lord a shout and a clap offering. Criez, acclamez l'Éternel. Hey! Hey! Asseyez-vous. Glory shall be seen. Whoa. brightness of your rising. It shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established. It shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountain and shall be exalted above the hills, and all of the nations shall flow. Shall be seen upon thee, for the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen. Receive. His glory shall be seen upon thee. It shall come to pass, Jesus, in the last days, Jesus, that the mountain Jesus. Of the Lord's house, do it, Lord. Shall be established. What a man cannot do. In the top not of by the mountain, might. Not by power, but by my spirit. Above the hills, do Jesus what a man cannot do. Below, please, for the Lord shall arise, yes, upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Let the glory, for the Lord shall arise. Let the glory be upon your upon children. Upon the children, Lord. Oh, his glory upon the shall children, be seen. His glory upon shall be seen upon thee. Jesus, the Lord shall arise, yeah, upon Jesus. Thee. Holy Spirit. His glory Holy shall Spirit. Be seen. Holy Spirit. His glory shall Rama be seen upon thee. Rama Sabaluma. The Lord shall oh. arise upon thee. And his glory shall be it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountain and shall be exalted above the hills, and all nations. Shall go into it, yeah. All nations shall flow into it, yeah, yeah, yeah. All nations from all over the world, they shall flow, flow, flow, flow, yeah. All nations shall flow. Be seen upon thee, yeah. Oh, the Lord shall arise, yeah, upon thee, and his glory shall be seen upon thee, yeah. It shall come to pass in the last days, the mountain of the Lord's house shall be established. Top of the mountain, it shall be exalted above the hills. Yeah, all nations shall flow into it. Yeah, yeah, yeah. The nations shall flow into it. Oh, oh, oh, oh, oh. Nations shall flow. Oh, I want to ask those who I invited for the meeting earlier this morning, you know yourself, to come just row by row. I just want to lay hands on you as we sing the pastors. I just lay hands on you and then you go back. I'll tell you to go back. Just one row at a time and then you, not everybody, there's no space. One or two rows. Lift your hands. Arise and shine. Thank you. Bless. For thy light is come. Thank you. And the glory of the Lord. Oh, yes. Thank you, Jesus. Yeah, is risen upon you. Thank you, Jesus. Behold, the darkness shall cover the earth. And cross darkness cover the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Upon thee, hey. Oh, thank you, Jesus. Upon thee, hey. Thank you, Jesus. Beautiful. Many shall go and say, thanks. Come and let us go on. Thanks, Jesus. To the mountain of the Lord. Of the God of Jacob, and he shall teach us of his ways, and we shall walk in his paths. It shall come to pass, if I've prayed for you, in the last days, that the mountain of the Lord's house shall be. Tablet. Believe as soon as I lay hands on you. In the top of the thanks, mountain. Jesus. Thanks and for your grace. Thanks for your power that is flowing. Above the thanks for hills your mercy. Thanks for and your all grace. Nations thanks for your anointing. Shall your flow into thanks, it. Jesus. Thanks. Thanks for your gifts. Thanks for your gifts. Thanks, Lord. Receive it, beautiful. Arise and shine, your light has come. The Lord shall arise upon thee, and his glory arise shall arise and shine. See. Arise and shine. Arise and shine. Arise and shine. Gentiles have come to your light. And arise and shine. To the arise and shine. Shine. It shall come. Shine. Fast. Shine. In the last shine. Shine! Arise and shine. Thank you, Jesus. Shall be established. Thank you, Jesus. It shall come to pass. It shall come to pass. In the last days, that the mountain of the Lord shall be established. Thank you. Thank you. In the top of the thank you. Mountain. Thank you. And shall be exalted. Thank you. Shall come to pass. Thanks, Jesus. For the Lord shall arise. Thanks, Jesus. Upon me. Thanks, Jesus. Thanks, and Jesus. His glory shall come to pass. Shall come to pass. Shall come to pass. For the Lord shall arise. My God. Ba-da-ba, ra-ba-da, ba-da-ba-da, and his glory Jesus. Shall be seen. His glory shall be seen upon me. It shall come to pass. Thanks, Jesus. In the very last days, very last days. That the mountain of the Lord's house shall be established. Thanks, Jesus. Oh, in the thanks, top Jesus. Of the mountain it shall be exalted. Thank you. Above thank you. The hills, yeah, thank you. Yeah. Thank you. All nations shall be Thank you. Jesus. Thank you. Thank you for your mountain, Lord. Thank you for your power for the mountain. Thank you for your glory for the mountain. Jesus. Jesus, thank you. Thanks, Jesus. Thanks, Jesus. Thanks, Jesus. Thanks, Jesus. Langra Mola Mada in the top of the mountain. It will be exalted, exalted, exalted, exalted, exalted, exalted, exalted, exalted. Jesus, thank you. My God. My God. Nala. Nala, nala, nala, nala, nala. And his glory shall be seen. Oh, yes. Oh, yes. Gentiles shall come to your light and kings to the brightness of your rising. It shall come to pass. Oh, Shando Macabarele, Mando Baramanele Male, Damora Malane Belevene. It shall come to pass. Jesus. In the last day. Jesus. That the mountain of thank the you. Lord's thank house you. Shall be established. Shall be established. In the top shall of the mountain. Shall be established. And shall be exalted. Shall be established. And all nations overflow, for the Lord shall arise. Shall arise upon you. Upon thee, shall arise upon you. And his shall arise upon shall you. Be seen. Shall arise upon you. Thee, Jesus, my God. The Lord shall my arise. God. Paramala bala bala bala bala bala bala bala bala glory, for the Lord glory of gifts, glory of gifts, glory of gifts, glory of gifts, glory of gifts, Jesus. For the Lord shall arise, he shall arise, he shall arise upon thee. Thank you. And this glory shall be seen. Mando moro bala mani ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne it shall come to pass. It shall come to pass. It shall come to pass. It shall come to pass. The mountain of the Lord's house shall be established. Mountain of the Lord's house shall be established. In the top it shall of the come mountain. To pass. It shall come it shall to pass. It shall come to pass. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thanks, Jesus. Jesus. Practically, Lord. Practically, Lord. Practically. Practically, practically. Oh. Arise and shine, your light has come. The Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen. Thanks for your glory. Gentiles for your shall glory. Come to your light. Gentiles shall come to your light. To the brightness and kings to the brightness of your rising. Of your rise. Thank you. Barama, barama, barama, barama, barama, it shall come to pass in the last days. Jesus, please. That the mountain of the Lord's house. Jesus, please. Shall be established. Jesus, please. In the top of the mountain and shall be. Jesus, please. Above the hills and all nations are more. Thanks. Shall come to pass. Thanks, Jesus. In the thanks for your gift, Lord. Thanks for your grace, Lord. Thanks for your power. Thanks for your message. Thanks for your grace. Oh, lo mokida vele, tu vole, de vele, para malo. We dele, lebe fumalade. Demonia, ande, lo dobe, sembele, beke, mande. Lego, sande, makamando, lo mone. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And this glory shall be seen upon the name of Jesus. For the Lord shall arise upon thee, and his glory shall descend upon thee. Yeah. For the Lord shall arise. The Lord shall arise upon thee. Upon thee. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And his glory shall descend upon thee. Thank you, Jesus. Yeah. For the Thank Lord you, Jesus. Shall arise. Shall arise. Upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Yeah. For the Lord shall arise, shall arise, shall arise, shall arise, shall arise. His glory shall be seen, yeah. His glory shall be seen upon you. For the Lord shall arise. many shall go and say,